Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Jérémy Bentham et son fameux modèle du panoptique. Le panoptique est pensé à la fois comme un espace de répression, où on enferme les populations qui peuvent être considérées comme un peu dangereuses pour la société, mais en même temps, et c'est ça qui est très nouveau à l'époque, et qui est considéré comme un progrès, le panoptique il est aussi conçu comme un espace où on va essayer de rendre ces populations-là utiles à la société. Et on les rend utiles à la société, non seulement en leur évitant de faire du mal, de récidiver en quelque sorte, aujourd'hui on dirait, mais aussi en leur ôtant presque la pensée de faire le mal. Alors on peut leur ôter la pensée de faire le mal en les surveillant en permanence. L'historien et spécialiste de la Révolution française, Guillaume Mazot, décrit parfaitement tout le génie du système panoptique pensé par le philosophe et juriste anglais Jérémy Bentham à la fin du 18e siècle. Le principe du panoptique est simple. Il permet aux gardiens qui se trouvent dans la tour centrale d'une prison d'observer tous les détenus qui sont, eux, enfermés dans des cellules individuelles autour de cette tour centrale. Les prisonniers ne savent jamais s'ils sont observés ou non, mais le simple fait de pouvoir l'être en tout temps les dissuade de toute forme d'indiscipline. D'abord conçu comme le modèle architectural de la prison idéale, le panoptique va plus tard être considéré par certains, et on pense tout de suite au philosophe français Michel Foucault, comme l'étincelle à l'origine des sociétés de surveillance dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, un phénomène d'ailleurs doublement inquiétant à l'ère du tout au numérique. Dans la zone du dehors, je sors de Michel Foucault, je sors de surveiller et punir. Et puis, j'essaye d'extrapoler le panoptique de Bentham, tel que Foucault le décrit, à une ville du futur qui est Cerclon, dans la zone du dehors. Donc, je dispose des immeubles d'habitation, de logement, des bureaux. Et ces immeubles, je les dispose en gradin, quoi, hein, d'accord ? Comme si on était, en fait, au centre d'une selle antique. Et du coup, toute personne positionnée dans cette tour, que j'appelle la tour des citoyens démocrates, peut regarder à l'intérieur de chaque bureau, de chaque logement. Et j'étais très fier de mon idée, au sens où je me disais, bon voilà, le modèle panoptique a essaimé en milieu ouvert, dans la ville. C'est totalement crétin, quoi. C'est totalement stupide. J'étais profondément mauvais là-dessus, quoi. Pourquoi ? Parce que j'arrive pas à anticiper l'apparition d'Internet, 95 à peu près, et surtout, j'arrive pas à anticiper la partition du téléphone portable, quoi. Et là, on a un truc qui se passe, c'est que le panoptique, il devient endogénéisé, il devient portatif. Il permet au pouvoir, quel qu'il soit, pouvoir commerciaux, pouvoir étatique, et pouvoir aussi, je dirais, relationnel, intime, de surveiller n'importe qui à n'importe quel moment, quoi. Extrait d'un balado de 2014 dans lequel Alain Damasio, l'auteur du roman « La zone du dehors », réfléchit à la portée du modèle du panoptique à l'ère du numérique pour nous parler de ce modèle panoptique de Jérémy Bentham, qui est au départ le titre d'un ouvrage publié en 1791. Je reçois Sophie Abdella, qui est professeure adjointe au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke et spécialiste également de l'histoire des prisons parisiennes au 18e siècle. Sophie Abdella, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Alors, Sophie Abdella, avec la publication de cet ouvrage, Le Panoptique, en 1791, c'est, puis on l'entend déjà dans l'extrait qu'on vient de présenter, c'est beaucoup plus qu'un simple modèle architectural de prison dont il est question. En fait, c'est toute une vision, un modèle de société, on pourrait dire, que le philosophe et juriste anglais Bentham propose. Vous avez tout à fait raison. Le panoptique, ça devient un symbole, hein. C'est beaucoup plus qu'une prison, c'est beaucoup plus que l'architecture, hein, des briques et du mortier. C'est le symbole d'un basculement, à la fois judiciaire, un basculement dans notre manière d'entrevoir, de comprendre, de concevoir le châtiment, mais aussi, comme vos extraits le montrent très bien, un basculement dans nos sociétés de manière très globale. Et donc, le panoptique, il a aujourd'hui une résonance très, très aiguë dans nos sociétés contemporaines. Oui. Si on avait à le résumer, j'en ai un peu parlé du modèle de prison, mais il sera décliné, là. On pensera à ce modèle-là éventuellement pour autre chose, pour des écoles, peut-être pour des usines. Mais sur quoi repose la vision de ce modèle proposé par Bentham? Mais le modèle, il est en fait plutôt simple quand on y pense. Donc, Bentham, il imagine une prison idéale, une prison qu'il juge parfaite. Et donc, cette prison, elle est composée de deux cercles concentriques. Donc, sur le cercle extérieur, eh bien, il y a donc les cellules qui sont disposées comme ça, avec bien sûr des barreaux vers l'intérieur. Et au centre de ce premier cercle, il y en a un deuxième, qui est en fait une tour circulaire, dans laquelle donc peuvent se placer les gardes et qui peuvent, à journée longue et d'un seul regard, englober toute la masse, toute la population carcérale. Et un élément supplémentaire, de cette tour, on voit l'extérieur, hein, le personnel, les surveillants peuvent voir les prisonniers. Mais il y a donc tout un système de volets autour de cette tour qui fait en sorte que les prisonniers, eux, ne peuvent pas voir les surveillants. Ouais. Donc, on a un système là, circulaire dans lequel le personnel voit et les détenus, eux, ne savent pas s'ils sont vus. Et puis, on y reviendra, mais tout repose là-dessus, cette astuce-là, pour la vue du prisonnier, la menace. La possibilité d'être vu, ce qui fait qu'on se tient à carreau, c'est ça le principe en gros. Et c'est, on y revient, Jeremy Bentham qui développe cette idée-là. Un petit mot sur lui, qui est-il? Jeremy Bentham, c'est un Anglais d'abord, c'est un juriste, c'est un philosophe, c'est aussi un utilitariste. Il rêve, il travaille à travers sa vie, donc la fin du 18e et début du 19e, il rêve de réformer le système judiciaire, de le simplifier, de le rendre aussi plus égalitaire. Il rêve donc d'un système judiciaire complètement réformé et donc le panoptique s'insère dans sa réflexion beaucoup plus large sur la justice de son époque. Et comment lui vient cette idée quand même, ce modèle architectural, cette idée du panoptique? Eh bien, ça lui vient de très loin. Ça lui vient de la Russie. En fait, Jeremy Bentham, à l'époque, a un frère qui, lui, se trouve en Russie. Il est en Russie pourquoi? Parce qu'il a été chargé d'imaginer un projet d'usine, un projet de manufacture. Et c'est à la base, c'est bien son frère qui imagine un peu ce modèle du panoptique pour son usine russe. Hein, il juge qu'il s'agit là d'un modèle qui servirait à améliorer la production. Eh bien, quand Jeremy Bentham visite son frère en Russie, qu'il voit ce qu'il tente de mettre au point, eh bien, il revient avec cette idée, il se dit qu'il y a là, qu'on tient là quelque chose et que ce modèle, qui est à la base pensé pour une manufacture, eh bien, il pourrait parfaitement s'appliquer à la prison et donc réaliser ce rêve de réforme de la justice et de châtiment qu'entretient Jeremy Bentham. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va se mettre à développer son concept et à éventuellement publier en 1791 son ouvrage Le Panoptique. Un petit mot pour le situer dans son époque, Bentham. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, la révolution, mais ce modèle panoptique, c'est oui, une petite révolution. En tout cas, ça arrive à un moment précis. L'Europe, à ce moment-là, a une conception de ce que doit être, de ce qu'est la justice pénale. Parlez-nous de ça. Quelle conception se fait-on à ce moment-là, justement, de la justice en Europe? Bentham, il arrive nécessairement à la fin de l'Ancien Régime. Hein. L'Ancien Régime, il a une justice du châtiment, il a une justice du châtiment corporel, hein, surtout. Et donc, on a affaire ici à une justice spectacle. La justice qui doit être vue, la justice qui est beaucoup plus violente que celle qu'on connaît aujourd'hui et qui s'exerce surtout sur le corps. Et donc, on parle ici de pilori, de carcan, de fouets, bien sûr, de pendaisons, d'exécutions, même si elles sont bien plus rares. Et donc, il arrive, Bentham, à la fin hein, de cette longue époque de châtiment corporel, et il arrive aussi dans un contexte où, en France, eh bien, vient d'advenir la Révolution, et en 1791, il y a aussi le nouveau Code pénal. Hein, on est déjà en train de réfléchir à la manière de modifier, de transformer cette justice d'ancien régime, cette justice qu'on juge maintenant de plus en plus abominable. Ouais. Et si tout tourne à ce moment-là, donc autour du châtiment que vous décrivez, décriviez. En fait, le criminel doit payer de son crime en mourant souvent et l'exécution est publique. Ça fait que, au temps de Bentham, la prison, le lieu de détention, n'a rien à voir avec ce qu'il deviendra. À quoi ça ressemble, les prisons, au temps de Bentham, Sophie Abdella? Je crois qu'il est important de poser cette question-là parce qu'on a l'impression que la prison a toujours été ce qu'elle est aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, et on doit en partie à Bentham la prison que nous avons aujourd'hui, parce qu'à l'époque, pendant tout l'Ancien Régime, la prison n'est pas une peine. La prison, c'est un lieu où on va en attendant notre peine. C'est un lieu où on va pendant notre procès, par exemple, ou une fois que la condamnation est tombée et qu'on attend donc d'être soit mis au carcan, soit exécuté, soit banni. Et donc, on n'a pas dans ces prisons, à la fois, ce ne sont pas des condamnés, hein, ce sont des prévenus, et on n'a pas non plus de cellules. Le fameux régime cellulaire là, qui est le nôtre là, en Occident, partout aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas du tout comme ça qu'on organise à l'époque les prisons. Les prisons sont faites de très grandes chambres dans lesquelles on peut placer 10, 20, 50 individus tassés les uns sur les autres dans des conditions qui, vous vous en doutez certainement, sont difficiles, insalubres et dans des établissements qui sont largement vétustes. Ouais, un lieu de passage vraiment en attente de son châtiment. L'un des penseurs qui va beaucoup inspirer Bentham dans le développement de son modèle du panoptique, c'est l'Italien Cesare Beccaria. Il publie en 1764 un ouvrage qui va devenir célèbre, « Des délits et des peines », ouvrage fondamental dans la conception qu'on se fait à ce moment-là de la justice pénale. On écoute à ce propos le philosophe et spécialiste de Beccaria, justement, Philippe Audjean, au micro d'Adèle Van Rett, à l'émission « Les chemins de la philosophie » en mars 2017. C'est un ouvrage qui propose une réforme immédiate, qui propose des réformes très concrètes. Il n'y a pas de critique de l'existant, il y a vraiment une réforme, il y a vraiment une proposition de réforme orientée vers le futur. Il ne s'agit pas du tout, Beccaria ne passe pas son temps à critiquer ce qu'il voit autour de lui. Il propose directement de la refondation d'un système pénal totalement différent, fondé sur des principes totalement différents. Et donc, effectivement, il y a un but pratique immédiat, et d'ailleurs, ça a été suivi des faits dans toute l'Europe, des délits et des peines, d'abord à susciter un débat très abondant. Au fond, on n'a jamais autant parlé de droit pénal dans toute l'histoire de l'Occident qu'entre 1764 et, disons, 1810. Grâce à ce texte. Et dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe, il y a une espèce d'effervescence impressionnante sur les questions de la punition et sur les questions de la peine. Je crois vraiment, il n'y a pas d'autre moment dans l'histoire où il existe une production aussi abondante de débats et de discussions sur le droit pénal, sur la punition, sur qu'est-ce que punir, sur comment punir, etc. Alors, quand il écrit le panoptique en 1791, Bentham s'inspire de l'Italien Cesare Beccaria, Sophie Abdella, mais plus que ça, il s'inspire au fond de l'esprit des philosophes des Lumières. Parlez-nous de ça, de ce que vont apporter les Lumières à la réforme du système judiciaire de l'Europe du temps. Oui, parce que Bentham, il s'inscrit bien entendu dans un contexte. Hein. Il n'est pas une anomalie. Et l'extrait que vous avez choisi en parle très bien. Les Lumières, qui ne sont pas que françaises, hein, qui sont européennes, eh bien, elles remettent partout en question justement cette idée de justice spectacle dont nous parlions tout à l'heure. Parce que cette justice, elle est jugée maintenant arbitraire. Elle est jugée inégalitaire. Hein? On adapte la loi au statut ou à la richesse des gens. Elle est jugée aussi complètement inefficace. Hein? La mise à mort, à quoi sert-elle, en fait? Est-ce qu'elle dissuade vraiment le crime? Est-ce qu'elle permet vraiment d'améliorer le corps social? On n'en est plus si certain. Et surtout, on juge que toutes ces peines qui affligent le corps, hein, toutes ces peines corporelles, sont complètement inefficaces et inutiles. Hein? Peut-être le maître mot ici serait inutile. Comment alors rendre la peine utile? Comment rendre le châtiment utile? C'est bien la question que se pose Beccaria et plusieurs philosophes des Lumières, et à son tour, Bentham. Oui. Alors revenons sur ce qu'il propose, Bentham, en partant de ces propositions faites par Beccaria et d'autres. On a décrit au tout début de l'émission à quoi ça ressemblait le modèle architectural du panoptique. Revenons peut-être un peu plus sur ce que ça veut dire pour les prisonniers qu'ils vivent. Guillaume Mazot en parlait un peu au tout début de l'émission, mais ce que ça fait, dans ce que ça sème comme graine. Et c'est là l'astuce, dans la tête des prisonniers. Oui, c'est un peu le génie du panoptique, et comme souvent, le génie est aussi un peu effrayant. Hein? Et donc, toute l'astuce de ce panoptique, eh bien, il repose dans le regard, mm-hmm. hein? dans cette idée de voir, cette idée de l'œil qui nous voit en permanence. Et pourquoi est-ce que c'est si génial? Eh bien, c'est parce que la manière dont Bentham voit son modèle, c'est qu'il se dit que les prisonniers, étant certains, ou en tout cas devant à tout instant présumer qu'ils sont surveillés, qu'ils sont observés, eh bien, finiront par corriger leur comportement, réformer leur manière d'être et de penser en fonction de ce regard réel ou présumé qui est jeté sur eux. Donc, il s'agit là, vraiment ce que tente de faire en profondeur le panoptique, c'est de réformer des âmes, de réformer des hommes qui vont intérioriser jour après jour la norme, la loi, la règle. Et la beauté de la chose, vous l'aurez sans doute compris, c'est qu'en fait, cela suppose aussi que la tour, elle pourrait être complètement vide, qu'il n'y a pas vraiment nécessité, au final, qu'il y ait vraiment des surveillants dans cette tour. Tout ce qu'il faut, c'est que les prisonniers supposent, pensent qu'ils sont observés pour qu'ils modifient en conséquence leur comportement. Oui. Avec une vision, bien sûr, autoritaire, une vision qui nous amène, et certains penseurs feront le pas un peu plus tard, mais qui nous amène à réfléchir sur cette société de surveillance qui va prendre de l'ampleur dans laquelle nous sommes actuellement. Et ça nous conduit fatalement à parler du philosophe français Michel Foucault, qui va publier son livre « Surveiller et punir » en 1975. Et il va, dans ce livre-là, justement, proposer une lecture prolonger en quelque sorte ce que peut donner le panoptique, Sophie Abdella. Et tout à fait. Hein, et ce grand livre, un beau livre par Michel Foucault, hein, Surveiller et punir, qui a modifié à jamais, potentiellement, en tout cas, notre manière de comprendre la panoptique et son poids, hein, son symbole. Et que nous dit Michel Foucault? C'est qu'il faut comprendre justement ce panoptique comme beaucoup plus qu'un modèle architectural. Ce que nous propose Bentham et ce que signifie l'avènement de ce projet, c'est bien, comme on le disait en début d'émission, un basculement de nos sociétés occidentales vers des sociétés disciplinaires. Mmh. Le panoptique, c'est bel et bien un dispositif disciplinaire. Hein, le fait d'intégrer, d'intérioriser la norme, comme nous venons d'en parler, eh bien, c'est le symbole de nos nouvelles sociétés. Et ce que nous dit Michel Foucault, et c'est là que ça devient particulièrement intéressant, c'est que Michel Foucault nous dit « ne nous leurrons pas, le panoptique n'est pas un dispositif seulement contre les criminels. Ce n'est pas un dispositif seulement carcéral. C'est un dispositif qui est aujourd'hui répercuté ou en tout cas multiplié à travers nos sociétés ou, par exemple, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les manufactures, dans les hôpitaux psychiatriques. Et donc, nous avons déployé collectivement un véritable archipel comme ça, disciplinaire, avec une multitude d'institutions qui ont intégré la logique ou la philosophie du panoptique. Oui. Approchons-nous de la période actuelle, de ce que devient, de ce qui est devenu le panoptique dans nos sociétés actuelles. Que devient le panoptique à l'ère du numérique? C'est la grande question qu'on peut se poser. On en parle dans un instant, Sophie Abdella, mais on écoute d'abord le philosophe Bernard Harcourt, auteur du livre « La société d'exposition », en parler à l'émission d'Olivia Gesbert, « La grande table », en janvier 2020. Après la société du spectacle de Debord, après la société de la surveillance de Foucault, celle du contrôle de Deleuze, nous serions, d'après vous, entrés dans la société d'exposition. Quelles sont ses caractéristiques, cette société ? Alors, ces caractéristiques, c'est une manière complètement différente de la circulation du pouvoir, en fait. Et je vous remercie d'avoir commencé avec la société du spectacle, la société panoptique, parce que, en fait, c'est une continuation, ce travail est une continuation en ce qui concerne une analyse de la manière dont le pouvoir circule dans la société. Et il faut comprendre que nous sommes dans un nouveau monde qui redistribue les nœuds de pouvoir, qui façonne notre subjectivité d'une manière ahurissante et nouvelle, et dont on ne s'aperçoit pas parce qu'on ne comprend pas vraiment les enjeux, parce qu'on pense qu'on s'amuse seulement avec nos Instagram, avec nos selfies, avec toute notre existence et tous nos plaisirs digitales, numériques. On pense qu'on s'amuse simplement quand en fait on est en train de créer toute une nouvelle circulation d'informations, toute une nouvelle personne que nous sommes, notre personnalité numérique, qui ensuite se laisse piéger vraiment dans tout un système d'informations, de recommandations et de façonnement de notre subjectivité. Alors, quelle forme prend donc le modèle panoptique à l'ère du numérique, Sophie Abdella? Alors, on disait au début de l'émission à quel point le panoptique, il avait une résonance particulièrement aiguë aujourd'hui. Et là, avec les réseaux sociaux, avec le numérique, je crois vraiment qu'il y a là une expansion du phénomène panoptique initial. Parce que ce phénomène-là du regard, de la surveillance, d'être soumis sans cesse à l'œil qui nous regarde et nous y adaptons, eh bien, les réseaux sociaux, le numérique, eh bien, c'est justement un œil. Et la différence, c'est qu'au contraire des prisonniers du panoptique qui étaient soumis contre leur gré à cet œil, à ce regard, eh bien, nous, aujourd'hui, nous nous y soumettons complètement volontaire et nous alimentons la bête par choix. Et sans savoir, enfin, par choix, mais en n'étant pas toujours conscient de ce qu'on fait, probablement. Tout à fait. C'est-à-dire, nous alimentons la bête par choix sans savoir quelles sont les conséquences de ce regard et de tout notre volontarisme et de la livraison de nos informations à cet œil qui est maintenant partout. Sophie Abdella, spécialiste de l'histoire des prisons parisiennes au 18e siècle, professeure adjointe au département de l'histoire de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup de nous avoir fait l'histoire du modèle panoptique qui était au départ, je le rappelle, donc un modèle architectural de la prison idéale. Au fond, un peu paradoxalement, qu'il y aura eu très peu de ces prisons dans le monde, mais on a bien vu avec vous ce que ça a voulu dire pour l'évolution de la pensée en Occident depuis la fin du 18e siècle. Merci beaucoup, Sophie Abdella. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.